Et non pas la télé, ne l'oublie pas. Que la révolte se fait sur les pavés. Et non pas la télé.